Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Fadjet. Et voici une nouvelle émission de l'édition Les bons plans solidaires, conçue par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Pour ce mois-ci, de nouveaux bons plans, conseils en tout genre pour vous faciliter la vie, mais aussi de la musique, notre jeu habituel et plein de bonne humeur sont au programme. Toute l'équipe de la Dream Team est prête, alors je vous la présente sans plus tarder. Mais avant, je voulais d'abord vous dire notre chagrin, notre tristesse. Lionel nous a quittés provisoirement, heureusement. Il reviendra bientôt. Il est absent donc pour ce mois-ci. Et donc, pour le consoler, lui qui est sur son lit de souffrance, nous lui offrons une dédicace spéciale avec « Je chante avec toi, liberté » de Nana Mouskouri, qu'il aime particulièrement. Alors ce mois-ci, la Dream Team est composée de Khadija. Bonjour Bertrand. Bonjour Khadija. Il y aura aussi Alain. Bonjour Alain. Bonjour Bertrand. Bonjour Radio Fadjet. Bonjour Françoise. Bonjour Bertrand. Dites-moi les chroniqueurs, le mois de mars représente quoi pour vous? Alain, par exemple. Les bourgeons qui vont bientôt éclater. On va bientôt mettre les géraniums en pot et planter les rosiers qui sentent très bon. Et Khadija, le printemps, ça vous évoque quoi pour vous? Alors, ça m'évoque le printemps. Et voici d'ailleurs une petite poésie sur cette belle saison de Victor Hugo. Printemps, voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril, à doux sourire. Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux, moi ami. Les peupliers au bord du fleuve, endormis, se courbant mollement comme de grandes palmes. L'oiseau palpite au fond du bois, tiède et calme. Il semble que tout rit et que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent d'hiver. La journée couronnée d'une aube fraîche et tendre. Le soir est plein d'amour. La nuit, on croit entendre à travers l'ombre immense et sous le ciel béni quelque chose d'heureux chanté dans l'infini. Victor Hugo. Ben merci Khadija de ce beau poème. Et toi Françoise, quelque chose sur le mois de mars? On va avancer l'heure, il fera nuit plus tard. Et on mettra moins d'habits aussi pour s'habiller plus léger. D'accord. Et c'est mieux pour le moral aussi. C'est vrai. Bon, bah, on a fait le tour, hein, des chroniqueurs, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, c'est l'heure d'accueillir notre invité, Agathe Antoine. Agathe Antoine, bonjour. Bonjour à tous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'IRTS de Lorraine et le Festival du film d'action sociale, dont c'est cette année le 25e anniversaire? Alors, l'IRTS de Lorraine est un institut de formation en travail social qui est situé sur le plateau de Haye à Nancy. Et nous préparons plusieurs diplômes d'État comme éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants. Nous avons également des formations de niveau 4 comme moniteur éducateur ou alors de niveau 3 comme assistant maternel, assistant familial ou AES. Pourquoi le Festival du film d'action sociale ? Alors le film d'action sociale parce que justement il a été créé en 1990 à l'IRTS de Lorraine et il vise à promouvoir les réalisations documentaires autour des grandes thématiques sociales et sociétales de notre temps. Donc cette 25e édition se déroule du 3 au 10 avril et propose une vingtaine de documentaires accompagnés de leurs réalisateurs. Nous avons sélectionné des films sur la protection de l'enfance, la santé mentale, l'engagement citoyen, les sans-papiers. Il y a aussi le handicap, la famille, les violences faites aux femmes. Mais alors, qui participe à ce festival comme partenaire, sponsor, jury et comment s'organise-t-il? Alors, il s'organise 6 mois à l'avance en faisant un appel à films sur une plateforme dédiée. Nous recevons 270 films, enfin nous avons reçu 270 films cette année et commence une étape de visionnage. Ensuite, nous faisons la sélection et la construction du programme. Donc, comme nous avons beaucoup de films sur l'intervention sociale et sur l'accompagnement des publics, nous faisons appel à nos collègues formateurs à l'IRTS pour qu'ils nous aident à regarder les films et nous dire ce qu'ils en pensent. Nous avons des partenaires locaux, des structures médico-sociales comme le GSA d'Arélia, Réalise, le CAPS, avec qui nous organisons des diffusions. On travaille également avec le Festival international du film de Nancy. Nous allons passer un film de leur sélection cette année. Et puis, au niveau des partenaires financiers, nous sommes soutenus par la région Grand Est, l'UNAFORIS, la DRAC, la DRAGE, l'Académie de Nancy-Metz, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, les villes de Nancy, Vendeuvre et Laxou, ainsi que le Crédit Mutuel Enseignant, la MAIF et Harmonie Mutuelle 54. Oh ben ça fait pas mal. Et qui peut assister à ce festival et venir voir les films entre le 3 et le 9 avril prochain? Alors, c'est un festival ouvert à tous, donc aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels de l'audiovisuel, aux professionnels de l'action sociale qui peuvent venir justement avec des usagers, du grand public. Bref, tout le monde peut venir voir les films à l'IRTS et rencontrer les réalisateurs. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous mettons en place une plateforme de visionnage où les films sélectionnés sont disponibles. Donc, il suffit de vous y inscrire, c'est gratuit et vous pouvez regarder les films de chez vous pendant toute la durée du festival. Et comment fait-on pour s'inscrire sur cette plateforme? Il suffit de rentrer son nom et son prénom, c'est tout. Bon, ben merci. Et comment va se dérouler le festival cette année et quels vont être ses temps forts? Alors, l'inauguration du festival aura lieu le 3 avril à 14h à l'IRTS de Lorraine, avec le fabuleux film « L'énergie positive des dieux » de Laetitia Moller. C'est un film qui montre un groupe de jeunes autistes dans une IME, qui monte à un groupe de rock avec leur équipe éducative. Et puis, sur le reste de la semaine, nous avons 3 salles de diffusion dans lesquelles il y aura des films les matins à partir de 9h, les après-midi à partir de 14h et les soirs. Les films seront présentés par les réalisateurs ou par les formateurs de l'IRTS. Vous pouvez retrouver le programme complet des diffusions sur le site de l'IRTS d'ailleurs. Bon, merci. Et quand, pouvez-vous nous donner quelques exemples de films qui sont dans la section officielle cette année ? Oui, alors le film que nous organisons justement avec le GSA et la ville de Vendeuvre s'appelle « Le cœur des murs » de Margot Meurice et Julien Masson. Nous allons le diffuser le 4 avril à 18h30 à l'espace Yves Coppens de Vendeuvre. C'est un film tourné à Albertville et il donne la parole aux habitants d'un quartier, plus particulièrement d'un immeuble qui va être en partie détruit. Nous accueillerons d'ailleurs Yasmine qui est dans le film ainsi que le réalisateur Julien Masson. Et puis le lendemain, le mercredi 5 avril à 20h15, nous faisons une projection du film « Si tu es un homme » au Caméo Saint-Sébastien à Nancy. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans qui travaille dans les mines d'or au Burkina Faso et il espère pouvoir payer ses frais de scolarité en trouvant de l'or parmi les sacs de cailloux qu'il remonte au péril de sa vie. Ah ben ça va être intéressant. Et pour la 25e édition, va-t-il y avoir quelques surprises ? Alors, il y a une nouveauté cette année. Nous avons un jury lycéen. Donc, nous avons monté ce projet dans le cadre des Cordées de la Réussite, qui est un dispositif d'accompagnement à l'orientation créé par l'Éducation nationale. Donc, ce sont les élèves en cordée des lycées Marie-Mar Van Tomblaine et La Tournelle de Pont-Saint-Vincent qui vont faire partie de ce premier jury lycéen. Donc, depuis un mois, ils travaillent avec leurs enseignants sur une sélection de films. Le but étant de découvrir les métiers du social à travers les documentaires sélectionnés, d'échanger, de critiquer et de vivre une expérience nouvelle en tant que jury. Ils auront aussi la chance et le plaisir de monter sur scène pour remettre leur prix, qui est financé par l'Académie de Nancy-Metz. Bon, bah merci beaucoup de votre venue, Gat-Antoine, sur les ondes de Radio Fadjet pour l'émission Les Bons Plans Solidaires. Et pour ne rien rater du festival, pourriez-vous nous donner redonner vos coordonnées pour vous contacter, ainsi que les dates et lieux du festival ? Alors, le festival aura lieu du 3 au 10 avril 2023 et vous retrouvez toutes les infos, le programme complet sur le site irts-lorraine.fr. Bon, bah merci beaucoup, Gat-Antoine. Bon festival et à bientôt quand nous viendrons faire un petit reportage durant le festival. Bah, je remercie également le GSA et Radio Fadjet qui sont partenaires du festival depuis de nombreuses années. Alors, il est maintenant l'heure de notre première pause musicale. Nous sommes au mois de mars, alors pourquoi ne pas écouter un titre de Bruno Mars, qui a tout juste 10 ans. C'est pas Bruno Mars qui a tout juste 10 ans, c'est le titre qui s'appelle, alors là, je l'ai traduit, ça s'appelle Privé de Paradis. En anglais, ça nous donne un truc genre Locked Out of Heaven, hein, pour ceux qui parlent anglais comme moi. Allez, on l'écoute, on se retrouve juste après. Swimming in your world, something special. Alors, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour la deuxième partie de l'émission Les bons plans solidaires. Il est l'heure maintenant de donner des bons plans, des astuces, des idées à nos auditeurs. Alors, qui commence ? Ça va être peut-être Alain qui va commencer. Mais avant, je préviens Lionel, qui nous écoute sur son lit, comme ça, de souffrance, que s'il ne revient pas très bientôt, là, il nous a fait le coup du Bruno Mars pour le mois de mars. Alors, s'il ne revient pas, le mois prochain, je vais lire des extraits du Regard de la grenouille de Nicolas Avril. Au mois de mai, il y aura une expérience radiophonique absolument inédite et étrange. Ça sera un extrait de film avec Mathilde Hamet, La Lune et le Téton. Au mois de juin, nous aurons un discours du maréchal Juin. Et en juillet, je recevrai Alain Juillet qui nous raconte comment il a redressé France Champignon. Alors, si Alain ne veut pas, Lionel ne veut pas qu'on ait tout ça à la radio, qu'il revienne très très vite. Donc maintenant, c'est l'heure de donner les bons plans, les astuces, les idées. Alors qu'il commence, Alain, c'est à toi, c'est parti. Apprendre à laver son linge sale dans une machine à laver. Il faut trier le linge, les dessous fragiles, le couleur et le blanc. Les dessous fragiles, avec une lessive liquide, 30 degrés. Je vais dire les dessous de femme, les dessous d'homme et le petit linge de bébé. Deuxième tri, les couleurs, lessive, liquide ou en paillettes. 40 degrés ou 45 degrés. Chemise, robe, pantalon de couleur et linge fragile. Ensuite, le blanc, 60 degrés, lessive en poudre, drap de lit, oreiller, serviette et gants de toilette, serviette de table, bleu de travail. Suivez bien ces conseils et votre linge restera toujours une merveille. À bientôt pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup Alain pour cette idée de tri du linge avant le lavage. Et justement, à propos de lavage, je crois que Khadija a une recette de lessive écologique à nous donner. Oui Bertrand, aujourd'hui on va parler du lessive 100% gratuite et zéro déchet. C'est la lessive au lierre. Le lierre grimpant est une des rares plantes à contenir jusqu'à 8% de saponine, qui est une molécule détergente naturelle. Alors, il nous faut pour 1 litre environ de lessive, il faudra une cinquantaine de feuilles de lierre fraîches, 1 litre d'eau, une grande casserole avec un couvercle, une bouteille ou un ancien bidon de lessive. Après avoir cueilli les feuilles de lierre, rincez-les à l'eau froide, puis froissez-les avant de les mettre dans la casserole. Ajoutez 1 litre d'eau, mettez le couvercle et portez à ébullition. Puis baissez le feu et laissez cuire un quart d'heure. Arrêtez le feu et laissez refroidir toute une nuit. Casserole toujours couverte. Le lendemain, filtrez le jus obtenu pour le mettre en bouteille. Si vous avez un ancien collant, sera très efficace pour cette action. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate, mais ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas, remuez jusqu'à dissolution. Votre lessive est prête. Cette lessive liquide est assez foncée. C'est normal. N'ayez pas peur. Elle ne laisse aucune trace sur le linge, ni aucune odeur. Pour le dosage, il faut mettre un peu plus qu'avec votre lessive ordinaire. Cette lessive se conserve un mois au frais. Ça ne coûte rien, juste une petite balade au bon air et vous verrez qu'après avoir essayé cette lessive, vous l'adopterez. Évitez tout de même de laisser la bouteille à la portée des enfants. Cette lessive, même biodégradable, reste toxique comme toutes les autres lessives. Merci. Merci beaucoup, Khadija. On pourrait rajouter « lierre, lierre, tu es lierre » et de ce lierre, je tirerai une lessive. Et nous arrivons à notre deuxième pause musicale. Vous le savez, les actrices et acteurs aiment bien chanter. Nous les avions vues l'an passé avec Gérard Lanvin qui avait sorti son premier album avec son fils Manu. Et bien cette année, c'est Daniel Auteuil qui sort ce mois-ci un album intitulé « Les petites coupures ». Et bien voici en exclu le titre « Les petites coupures » et on se retrouve juste après. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs. Les petites morsures, les petites blessures, les simples déchirures font saigner bien des cœurs. T'es tombé amoureux, mon petit général, et l'amour t'a blessé, t'es tombé de cheval. Mais surtout tu t'en veux, en tombant c'est fatal. T'as cassé ton jouet et une épée sans la lame. Vraiment, ça la fout mal, mon petit général. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font saigner bien les cœurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures couler bien des pleurs. Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral, tu appelles au secours les pompiers de l'amour. Vraiment, ça la fout mal de nager aussi mal. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de beaux souvenirs. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures vont te faire grandir. C'est une allégorie, mon petit Zachary, une esquisse, un croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des Finzi Contini. Dit tes sœurs d'ironie, et ton père te crie. Si t'as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Si t'as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Si t'as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Alors après cette jolie chanson de Daniel Auteuil, nous revoilà pour la troisième et dernière partie de notre émission. Si vous nous rejoignez sur Fadjet, eh bien bienvenue à vous. Vous êtes dans l'émission Les bons plans solidaires, animée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Alors, comme vous le savez, Lionel est donc absent ce mois-ci pour présenter l'émission, mais il nous a proposé son petit jeu habituel, les anniversaires des célébrités. Donc, je le remplace. Alors, à sa place, eh ben, je vous donne des indices et à vous de retrouver cette personnalité qui est née en mars. Oh, Alors, vous êtes prêts? Oui. Oui. Bah, c'est parti. Je suis né, ou elle est née, comme on veut, le 30 mars 1968, à Charlemagne. Au Québec, je suis une chanteuse canadienne. Je suis la dernière d'une famille de 14 enfants. Je connais un succès presque immédiat dans ma province d'origine, le Québec. Dès 1981, avec la chanson « Ce n'était qu'un rêve ». C'est une Dion. Bravo, Alain. Merci beaucoup. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Alors là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus dur. Attention, je suis né le 30 mars 1945 à Ripley, près de Guildford, en Angleterre. Je suis un guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète britannique de blues rock. En 2011, dans un classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps, le mensuel Rolling Stone me place en deuxième position, juste derrière Jimi Hendrix. Je suis le seul artiste à avoir été intronisé à 3 reprises au sein du Rock'n'Roll Hall of Fame. Une fois en tant qu'artiste solo, puis en tant que membre des Yardbirds et de Cream. Toujours personne. Je deviens célèbre dès 1963 avec mes groupes. J'ai collaboré avec plus de 100 artistes. Je suis un grand dans l'histoire du blues et du blues rock. Mon premier succès en solo remonte à 1972 et je reprends à ma façon le titre d'un inconnu qui deviendra célèbre et qui s'appelle Bob Marley avec sa chanson I Shot the Sheriff. Puis viendront des succès mondiaux comme là aussi une reprise de bluesman J.K.L. Cocaine et aussi, c'est que de l'anglais, You Are Wonderful Tonight et Layla. Toujours personne. Je joue encore au concert régulièrement, mais moins souvent car je rencontre des problèmes de santé au niveau des doigts. J'ai plus de 50 albums à mon actif, plus de 20 musiques de films et au moins 40 albums avec d'autres stars en tant que guitariste. Je suis. Eh ben, je suis Eric Clapton. Allez, cette fois c'est facile, je suis un chanteur, acteur et publicitaire français né le 30 mars 1948 dans le 12e arrondissement de Paris. Oui. J'ai écrit la plupart des textes de mes chansons, souvent sur des musiques de Claude Angèle. Pratiquant le scoutisme, je rencontre lors d'une colonie de vacances l'animateur Jackie, avec lequel je deviens ami. Je commence ma vie professionnelle en 1972 dans l'agence de publicité Walter Thompson, dont je suis renvoyé l'année suivante pour mauvais esprit. Je continue dans ce domaine de la publicité, je crée des tubes publicitaires qui devinrent célèbres, dont Vittel, Buvet éliminé, Infinitif, Banga, il y a des fruits, il y a de l'eau. Ça vous cause pas. Belle Deschamps, tu bagonnes dans les pâturages, Choco BN, il est 4 heures. Ah, à la bonne heure. Ah, il est 4 heures, à la bonne heure. Danette, on se lève tous pour Danette. Ah oui, d'accord, mais je vois pas l'acteur. J'assure la voix off et la musique des dessins animés publicitaires sur le chewing-gum Malabar. Début des années 80, je deviens auteur, compositeur, interprète, toujours avec Claude et Selma Angèle, de mes chansons. Et mes chansons deviennent immédiatement des tubes. Comme le Mambo du Décalco. Ah, le Yuki. Oui. Depuis 2022, je joue un spectacle qui reprend mes chansons. Mais je ne chante plus. Je les joue comme un comédien de théâtre accompagné d'un musicien. Je suis Richard Gottener. Richard Gottener, bravo. On sait pas la java, le cha-cha connaît pas. Quand on fait le mambo, on s'en mêle les nougats. Le tango c'est très beau, mais on sait pas les pas. Pour mouiller les têtes, on a un plan extra. Allez, le dernier pour la route facile, attention, vous êtes prêts, c'est parti. Je suis né le 22 mars 1983 à Bruxelles, dans le supplément du journal belge Le Soir, qui met en scène le héros éponyme dans de nombreux gags. Je vais donc déjà avoir 40 ans. Je suis le héros de 24 albums et 6 best-of sont sortis depuis ma création. Philippe, mon papa et créateur, dit de moi qu'en fait c'est un autre moi-même. À travers lui, je me libère, je joue parfois avec le feu, mais c'est le rôle de l'humoriste. Dans une histoire, on voit que je m'appelle Jean-Claude. Je suis un animal à quatre pattes. Non. Je me tiens debout. Je suis vêtu comme un homme. J'ai des comportements typiquement humains. Je vais au bistrot, je conduis une voiture. Dans mes histoires drôles, on y retrouve souvent ma femme, mes enfants, mes neveux. Mais aussi Roger le barman. Mon style graphique est simple, léger, rond. Pour ma bonhomie, car ce sont les textes drôles qui sont le plus important. Mon papa et créateur est également belge et s'appelle Philippe. Philippe Guéluc. Je suis. Si je vous dis miaou. Moi, j'aime vraiment plus ça. Ah bah, le chat. Le chat de Philippe Guéluc, ça vous dit rien? Non. Malheureux. Bon, bah tant pis, si ça vous dit rien, bah, c'était le chant. Ça vous dit tout ? Oui, ce chat, je connais. Ah bon ? Non, bah voilà, notre émission des bons plans solitaires se termine et nous espérons qu'elle vous a plu. Merci à nos chroniqueurs, merci Alain. Merci Bertrand, merci Radio Padjet et au mois prochain. Merci Khadija. Merci Bertrand, merci Radio Padjet. Merci à tous. Merci Bertrand. Merci Françoise. Merci aux spectateurs venus dans le studio et merci à Yves pour la réalisation. N'hésitez pas non plus à venir assister à notre émission, à nous envoyer des bons plans solidaires par mail à gsa@arolia-asso.fr. Dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver toute l'équipe du 13 en forme qui va vous donner dans aujourd'hui les infos du jour, les sorties sur Nancy et plein de bonnes nouvelles et de bonne humeur. Nous, on se retrouve le mois prochain avec Lionel, j'espère, et pour le remettre en forme rien que pour lui, sa chanteuse préférée, Annie Cordy, avec Tata Yo-Yo. Et donc, dans un mois, même heure et même endroit, avec plein de nouveaux et bons plans solidaires. Bonne journée à vous sur Radio Fadjet. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les Brésiliens m'ont surnommé